Dans combien de temps on va percer? On veut du bis, des tacs calaches. Le Delport, les embrouillages de balles finish. Un pois chiche à la place du crâne, c'est stupide. Zaska, Karao, Kalash, t'avertis pas pour le coup de grâce. Combien de chance me passe sous le nez? Une fin est réelle, bâtard. Ne m'en veux pas où t'y passes. On est anti-port, anti-bling bling. C'est la violence, la religion. Combien de péchés j'ai commis? Que Dieu me pardonne, t'as foulé au chromé avant que l'ange de la mort me questionne. Combien de personnes ont fauté Sarkozy? Combien parle d'avenir? Dans ma tête ça cogite. Combien sont victimes de bavures policières? Combien d'enfants en Afrique là-bas sont dans la misère? Combien de larmes con? Combien de drames con? Vois que chaque jour compte, pour m'en sortir j'y compte. Combien de frères et sœurs qui sont partis quand? Combien de corps d'innocents qui sont par terre? Combien de temps nous faudra-t-il pour trouver un repère? Combien de fois on voulait nous déclarer la guerre? Combien de frères et sœurs qui sont partis quand? Combien de corps d'innocents qui sont par terre? Combien de temps nous faudra-t-il pour trouver un repère? Combien de fois on voulait nous déclarer la guerre? Combien de rêves finissent en cauchemar? Combien de frères finissent au placard? C'est les larmes d'une mère qui pleure son fils. Combien d'entre nous sont tombés dans le vice? La Garetzi, le manque de monnaie. 93-600, la Zermi on la connaît. Combien de fois on a mouillé le maillot? On les sous-bois, brise la chaîne du maillon. Combien de journées je pense à ce qu'elle m'est arrivé? Combien de bras j'ai tendu? Combien de frères ont débordu? Combien d'amis nous ont salis? Combien nous ont trahis? Combien de foulards sont tombés au sol? Combien ont lâché l'école pour être dealers de clam? Combien ont trompé leur femme? Combien sont défoncés à la Marie-Jeanne? Combien ont dit à leurs potes qu'on était les meilleurs frères? Mais Dieu dit la vérité, vous êtes les meilleurs beaux frères. Vous êtes les meilleurs beaux frères. Combien de frères et sœurs qui sont partis quand? Combien de corps d'innocents qui sont par terre? Combien de temps nous faudra-t-il pour trouver un repère? Combien de fois on voulait nous déclarer la guerre? Combien de frères et sœurs qui sont partis quand? Combien de corps d'innocents qui sont par terre? Combien de temps nous faudra-t-il pour trouver un repère? Combien de fois on voulait nous déclarer la guerre? Combien de canards sont tombés sous le vice des meufs, du chétan, du genre et de la chlouffe? Combien d'histoires sont passées, dépassées par les rumeurs? Combien de victimes a fait et fera le sida? Combien la mort nous fait peur? Peur d'avoir à purger une peine en enfer? Combien de traîtres ont trahi? Combien de frères ont failli passer? Dans combien de temps pour qu'un de nos frères pète le million? Tu comptes plus les contacts? Combien de temps charismatique m'apportant? Tu portes la main à ta chose qu'elle a liquidée. Combien tu vas en gagner? On n'est pas encore tombé sous l'effet des barreaux ou sous l'effet de cette carne. Combien de bonbonnes tu vas vider? Combien de temps pour que tu voies la réalité s'insulte le crâne pour tuer le temps? Combien de frères et sœurs qui sont partis quand? Combien de corps d'innocents qui sont par terre? Combien de temps nous faudra-t-il pour trouver un repère? Combien de fois on voulait nous déclarer la guerre? Combien de frères et sœurs qui sont partis quand? Combien de corps d'innocents qui sont par terre? Combien de temps nous faudra-t-il pour trouver un repère? Combien de fois on voulait nous déclarer la guerre?